comme le bon nana, ça m'a refait le voyou, c'est pour tiffer la chaîne chaîne. Elle me fait la fille, c'est un touché quand la ken ken. Je représente des crames énervées comme des bouteilles d'enken. Dès le truc, on prend la colline. Nique les cibles, la brique tatanine, mets tout dans la cristalline. Nique tes morales et ton maton, nique pas les decks. Oh ouais, pour mes vaillants, des beaux mettre à lune. Un petit peu vaillant, un petit peu technique, nique. Ils m'ont porté l'œil, ben maintenant je les nique, nique. Sors l'automatique, chic, ouais, c'est dramatique, chic. Gambino, c'est magique, ouais, c'est dramatique. Dans la zone, lève le stun dans la zone. Ramène ton cross, on le lève. Ramène toute ton équipe. Vaillant, ça purge des beaux mètres à lune. Normal, on sort le fer, on met tout dans la cristalline. Normal, normal. Je vais tout niquer, je suis un rappeur PGP. Si je monte pas, je parle pas, c'est pour me les rafaler. Les vestons, j'ai le moire, mon trahi pas Hermano. Du 9-3-6-9-0-1-3. T'as fait 2-3 sous, ça y est, tu te sens fort. Très aroquin, vaillant, on pète tous les coffres forts. Posé sur la chaise, fais pas trop le balèze. On te met à l'air à l'aise, je ferme mes sous sans retourner ma veste. Je vais la voir, je mets la cagoule, les gars. Un petit gambier, arrête tout ça, c'est pas trop élégant. Passe au quartier, on a les éléments. Une folle, ça reste une folle, le poteau, c'est évident. Le plus sur le guidon, je passe au quartier en disant Yamaha, pour que je veux porter du quartier. Dis bonjour aux arrivants, c'est le quartier. Touche à la Honda, pour toi, on vit de l'eau morte dans la zone. Les vestons dans la zone. Ramène ton cross, on le lève. Ramène toute ton équipe. Vaillant, ça purge des bons mètres à lune. Normal, on sort le fer, on met tout dans la cristalline. Normal, normal. J'aime dans mon ghetto, ça se fait guettard. Dans le monde, sous pactage, ré. Vaillant, fout le veto. J'ai le guetteur, ferme ta gueule, monte à l'étage. Traîne dans mon ghetto, ça se met guettard. Dans le monde, sous pactage, ré. Vaillant, fout le veto. J'ai le guetteur, ferme ta gueule, monte à l'étage. Qui de l'oppose dans la zone. Les vestons dans la zone. Ramène ton cross, on le lève. Ramène toute ton équipe. Vaillant, ça purge des bons mètres à lune. Normal, on sort le fer, on met tout dans la cristalline. Normal, normal.